Donc, on reçoit Martin Arnoux pour son livre « Au pied du barrage ». Et ça va être une forme simplement d'interview autour d'un texte. Donc, ça va être que de l'oral. Il n'y a pas d'image, mais vous verrez que le son et le texte est intéressant. Savoir qui parle et d'où je parle. Moi, j'ai une toute petite présence, non pas dans le bouquin, mais dans les lieux du bouquin. Il se trouve que j'ai quelques années de plus que notre ami. Et ado, j'ai séjourné sur le site qui était menacé par le barrage qui va faire l'objet du bouquin. Voilà, ça c'est un aspect. Et puis l'autre, je fais partie de différents groupes citoyens qui s'intéressent à l'eau. Donc à ce titre-là, le sujet m'a doublement intéressé. Voilà, ceci étant dit, donc, je passe la parole tout de suite à Martin. Et ça va être une présentation avec... Moi, je l'ai lu plusieurs fois déjà, le bouquin, logiquement. Et je vais vous aider par un découpage et les questions que je vais poser à Martin, à en comprendre l'intérêt. Et je vous invite vivement à vous le procurer, parce qu'il est très riche, ce bouquin. Et après, il y aura bien sûr un temps d'échange. Donc, on va se limiter à peu près à une demi-heure de présentation pour avoir un temps d'échange après qui permet d'aller plus loin que nos échanges entre Martin et moi. Voilà, à toi, Martin. Bonjour. Merci d'être là et merci beaucoup à Tatou Juste, à toute son équipe hein, pour ce 20e anniversaire. Je crois qu'il y a 60 bénévoles hein, qui aident à ce salon. C'est assez remarquable après 20 années d'existence de voir le développement, la popularité, le message d'espoir que ça véhicule. Et moi, je viens là pour parler de ça, pour parler d'une espérance, d'un espoir, du fait que les luttes environnementales pour notre monde, pour notre lieu de vie, pour ce qu'on aime pour la nature, ça peut être gagné. Et gagné de manière assez éclatante. Et ce qui est troublant, c'est que l'histoire de Loire-Vivante, cette victoire qui est, normalement devrait avoir marqué nos imaginaires, notre culture, et j'y reviendrai avec tes questions, Philippe, elle est complètement oubliée. C'est là peut-être la 25e rencontre que j'organise. J'étais il n'y a pas très longtemps à la CGT, je suis allé à l'Université de Lille. Je vais dans des librairies, dans des festivals, dans des lieux où il y a des oppositions très fortes à des projets d'aménagement. Et on va dire 6 ou 7 personnes sur 10 n'ont jamais entendu parler du succès de Loire-Vivante, n'ont jamais entendu parler des 5 années d'occupation permanente d'un site. Et ne savent pas que si nous avons une nouvelle culture du risque d'inondation, dans laquelle maintenant on redonne de la place aux rivières, on enlève quelquefois des installations qui ont été imprudemment construites en zone inondable. Et quand je dis imprudemment, c'est un euphémisme, parce que ça relève quelquefois de l'irresponsabilité. Eh bien, c'est lié à cette lutte qui a été en partie centrée, et on va y venir sur la question de la... du contrôle des inondations et du passage de ce paradigme de contrôle des inondations à une approche nouvelle qui est celle de la gestion du risque naturel d'inondation, réapprendre à vivre avec les crues, parce que les crues, comme disait une grande scientifique qui a éclairé tout notre mouvement, on y reviendra aussi, c'est essentiel à la vie des fleuves. Si on veut de la biodiversité, si on veut des fleuves vivants, il faut des crues et il faut vivre avec. Voilà, donc ce livre, il commence, je dirais, par une approche géographique. On va parler bien sûr de la Loire, c'est notre sujet. Mais effectivement, tout de suite, en introduction, Martin déjà prend un peu de recul par rapport au territoire qui va être l'objet du livre, en regardant un petit peu ailleurs, d'une façon générale, qu'est-ce qui se fait avec les fleuves. Comment l'homme a raisonné par rapport au fleuve. Comment on s'est dit, le fleuve, il faut s'en méfier, il faut le canaliser. Et comment, pas seulement dans la Loire, on a fait des choses qui, à un moment, semblaient être positives pour l'économie des fleuves, et qui s'avère être des erreurs avec des difficultés à les rectifier justement, puisqu'une fois que c'est fait, que c'est des gros travaux, c'est un peu compliqué. Donc cette première approche géographique est intéressante parce qu'on va venir très vite à un site naturel magnifique, mais ce n'était pas le seul site qui était en question. Il y a une histoire des fleuves et d'aménagement que Martin évoque dans le début de l'ouvrage. Alors, en quelques mots, oui, parce que c'est toujours important de contextualiser. En quelques mots, s'il y a chez vous, dans le public, des universitaires, des spécialistes, excusez mes généralités, mais c'est important de savoir que l'homme aime les fleuves depuis tout le temps, hein, depuis qu'il a inventé l'agriculture, il vit au bord des fleuves, il les aménage depuis à peu près 4 à 5 000 ans. Les traces les plus anciennes de digues, de barrages, on les trouve en Inde, on les trouve en Mésopotamie, on en trouve en Égypte. Et donc le problème, ça n'est pas celui de l'aménagement des fleuves en soi. Les fleuves font partie de notre culture et l'homme est un aménageur. L'homme, il a ce génie aménageur. Et il vit au bord des fleuves. Pourquoi ? Parce que les fleuves fournissent de l'eau pour l'agriculture, fournissent de l'eau pour les rites. C'est beau, ça nous nourrit. Et pendant 3900 ans, pour simplifier, tout se passe à peu près bien. On construit des dizaines de milliers de moulins, on construit des aqueducs, on construit des canaux. Mais globalement, les écosystèmes, les hydrosystèmes résistent plutôt bien, entre guillemets. Le terme résister, il n'est pas opportun, s'adaptent à cette relative transformation. Et là, une des meilleures illustrations de ça, c'est la présence de poissons migrateurs dans les rivières. Moi, je suis un fan du saumon et de l'anguille. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et pendant des milliers d'années, les fleuves regorgent de poissons migrateurs qui non seulement nourrissent, remplissent nos assiettes, mais remplissent aussi nos récits, nos cultures, nos mythes. Et puis il y a une rupture au XIXe siècle. Ça, c'est très important à comprendre avec la révolution industrielle. Là aussi, je vais très vite. Nous libérons des capacités avec l'invention de la machine à vapeur prodigieuse. Hein, c'est le génie humain, encore une fois, à transformer la nature. Et Saint-Étienne a une part, la nature et les fleuves, hein, puisque moi je suis concentré sur les fleuves, Saint-Étienne a une part très très importante dans toute cette histoire avec la construction du barrage du gouffre d'enfer, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, qui est un magnifique ouvrage sur le Furan, qui est un des premiers grands barrages au monde. On appelle ça le barrage français, et il a servi de modèle à la construction de grands barrages partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment une rupture, parce qu'on ne construit plus des petits ouvrages qui font 2 ou 3 mètres de hauteur, des moulins, pour simplifier. On est capable de construire des ouvrages qui font 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Les plus hauts barrages, ils font 300 mètres de hauteur. Et là, évidemment, ce n'est pas du tout la même histoire. Ce n'est pas du tout la même relation de la rivière aux aménagements humains. Les fleuves, et il nous a fallu 100 ans de travail scientifique très patient, très poussé par des équipes de chercheurs, d'universitaires au Japon, en France, aux États-Unis, en Allemagne, pour comprendre ça. Les fleuves, ils ne peuvent pas s'accommoder d'un trop haut degré d'artificialisation. Et il y a des exemples maintenant qui sonnent comme des alertes depuis les années 60, parce que l'histoire de l'or vivante, c'est une histoire de mobilisation citoyenne, mais c'est aussi une histoire de mise en œuvre de savoir accumulé pendant quelques décennies ensuite de ces aménagements massifs. Je vais juste donner 2 exemples. Le Colorado, qui a été l'objet de la construction de barrages parmi les plus extraordinaires qu'aient pu faire les Américains, Glen Canyon Dam, si ça vous dit quelque chose, Boulder Dam ou Hoover Dam, il n'atteint plus la mer, hein, dans la mer de Cortez, parce qu'on prend trop d'eau pour l'envoyer en Californie pour faire pousser les oranges californiennes. Je simplifie, hein, mais c'est à peu près ça l'histoire. Et puis le Rhin, on l'a transformé dans sa partie amont suite à l'histoire, suite à cette vision d'aménagement simplificatrice, mais glorieuse. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ce qui a été fait, ce n'était pas bien. C'est notre histoire. C'est la capacité de l'homme à transformer son milieu. Et on en voit les limites dans tous les domaines maintenant. Le Rhin, j'aime citer cet exemple, on a construit 11 grands barrages sur le Rhin supérieur, on l'a rectifié. On l'a raccourci, les ingénieurs, les hommes politiques, les gens trouvaient que c'était trop compliqué le Rhin, donc il fait à peu près 1300 km de longueur, on lui a enlevé 50 km, on en a fait un couloir, et la conséquence de tout ça, juste une des conséquences, hein, on va très vite pour contextualiser, c'est qu'il y avait 1 million de saumons dans le Rhin au XIXe siècle, zéro en 1960. Donc on passe de 1 million à zéro, et le saumon, c'était la vie de centaines de pêcheurs professionnels, c'était de la grande cuisine à Bâle, en Suisse, beaucoup de choses. Donc on peut dire, on n'a plus de saumon, mais on a des barrages, on a de l'hydroélectricité, on a des péniches qui naviguent, on n'a pas perdu grand-chose. C'est juste une illustration de la disparition du saumon, du fait qu'en fait, en simplifiant trop, en n'utilisant que la science hydraulique, le savoir hydraulique, eh ben, on s'est mis un peu en danger, notamment sur la question des inondations. On va peut-être y revenir, Philippe. Voilà, donc ça, c'est l'approche géographique que nous fait Martin. Et effectivement, il y a l'autre aspect, il y a l'approche naturaliste et humaine. Ce site qu'on a pu connaître, ou qui est encore naturel, justement, que vous pouvez aller découvrir, il a quelque chose, quand on y va, de particulier, parce que c'est une qualité d'espace, c'est une qualité de biodiversité. Et là, c'est un peu l'approche naturaliste que Martin développe dans les chapitres suivants. C'est à la fois beau, je dirais, humainement, et puis biologiquement, il y a plein de trucs. Donc, L'aspect naturaliste aussi, c'est quelque chose, on aurait pu dire, ah, mais c'est bon, les animaux, il y en a plein ailleurs, mais ce site était vraiment unique et ce n'était pas seulement remarqué par les militants qui s'installent. Je crois que très vite, vous avez mis en valeur la qualité de ce site qui a été reconnue plus que dans la région, beaucoup plus que dans la région de la Haute-Loire, même à Mayeur et même avec des soutiens importants sur la reconnaissance du site. Alors, peut-être revenir sur la notion de sauvage. On a utilisé ce slogan de Loire sauvage, et celui qui l'a le plus amplifié, j'aime beaucoup raconter cette histoire parce qu'elle est rigolote, c'est le prince Philippe d'Angleterre, donc une tête couronnée, des choses qui nous dérangent un peu, en tout cas qui nous interrogent en France quand on connaît notre histoire, qui était le mari de la reine d'Angleterre et qui était le président du WWF international. Le WWF international, on ne comprend pas notre victoire si on ne comprend pas sa présence. C'est 5 millions d'adhérents, c'est la capacité à discuter avec des grandes entreprises, les gouvernements, la Banque mondiale, etc. Et en 88, il vient dire « Vive, je vais mettre un peu d'accent, vive la Loire sauvage ». Et ça génère une reconnaissance publique des menaces qui pèsent sur la biodiversité du fleuve. Et là, on va parler de Serre de la Fare, on va parler des gorges de la Haute-Vée de la Loire, que certains d'entre vous connaissent peut-être, sinon qu'il faut que vous alliez, dans laquelle il faut que vous alliez vous balader. Mais il faut parler du fleuve dans son ensemble et des quatre projets de barrage, dont un qui était considéré comme la principale menace par le WWF et par les chercheurs, par les scientifiques, par les naturalistes, qui était le barrage du Veurdre sur l'Allier vers Moulins. Là, l'État avait décidé de construire un ouvrage de 1 km de longueur, d'une quinzaine de mètres de hauteur, qui aurait cassé, altéré ce qu'on appelle la dynamique fluviale de l'Allier, qui est le principal affluent de la Loire. L'Allier, il a comme caractéristique, et ça n'existe plus nulle part en Europe, d'avoir un lit dans lequel il va se balader, il va refaçonner sa géographie, il va changer au fil des ans, au fil des crues, sur une largeur de 1, 2, 3 km à certains endroits. Et ça, c'est cette diversité de formes liée au régime naturel de la Loire, un régime qui est fait de crues et d'étiages, de très grandes crues quelquefois, et d'étiages dans lesquels il y a 20 mètres cubes par seconde à tour, c'est-à-dire c'est presque un oued. Cette diversité du régime entraîne une diversité en matière de biodiversité qui avait attiré notamment les universités hollandaises qui commençaient à lancer, on est dans les années 80, des programmes pour restaurer les rivières en Hollande. Les Hollandes sont les champions du monde pour l'artificialisation des rivières. C'est l'histoire de leur pays, des fleuves. Ils ont inventé les moulins à vent pour faire les polders. Et ils ont une maîtrise hydraulique de l'eau qui est phénoménale. Sauf que dans les années 60-70, est apparue cette idée que les Hollandais, ils avaient aussi envie d'un peu de nature sauvage, comme tout le monde, de nature libre. Donc comment on restaure ? On s'inspire du Veurdre, de la plaine alluviale de l'Allier, la dernière grande plaine alluviale qui fonctionne en Europe. Et la Haute-Vallée de la Loire, c'était considéré, donc on est dans un paysage de gorge, ça n'a rien à voir. On est, pour ceux qui connaissent, entre Solignac-sur-Loire et Goudet, dans une vallée qui est une des ultimes vallées non équipées de grands barrages en France. Il y a un grand barrage un peu au-dessus en Ardèche, le barrage de la Palisse, qui, pour la petite histoire, détourne l'eau de la Loire dans le Rhône, mais c'est tout. C'est une vallée qui héberge, à l'époque, parce qu'elle a des forêts intactes, des forêts de versants, parce qu'elle a des milieux rupestres qui n'ont pas été altérés, parce qu'il y a peu de voies de circulation, parce qu'il y a une petite agriculture, il y a une très forte présence humaine, mais qui a façonné les paysages au fil des siècles sans générer d'altération majeure, parce qu'il y a ce régime naturel. La Loire héberge les premiers recensements, par exemple, c'est 120 ou 125 espèces d'oiseaux, je ne me souviens plus. C'est des milieux qui sont d'une telle qualité au plan naturaliste que petit à petit, au fur et à mesure de notre investissement, de l'investissement de naturaliste, de l'investissement de scientifique, de l'investissement de chercheurs, d'universitaires, l'intérêt pour la biodiversité va se reporter sur la Haute-Vallée de la Loire. Et dans l'opinion publique va émerger cette idée que c'est invraisemblable de noyer une des dernières vallées sauvage, entre guillemets, parce qu'il y a des milieux en libre évolution, hein, c'est un terme que maintenant on utilise beaucoup, de la noyer pour répondre à une question de gestion du risque d'inondation sur laquelle on va revenir, mais qui pouvait être, selon nous, et nous l'avons prouvé, gérer d'une autre manière. Alors effectivement, ça, c'est les aspects internationaux, locaux aussi sur l'importance de ce fleuve. Mais par contre, là, puisqu'on parle de lutte, comment le noyau démarre, comment ça s'élargit et comment on va avoir un changement d'échelle à un moment, comment les étapes de progression se déroulent pour arriver jusqu'à une lutte qui va jusqu'au plus haut sommet de l'État pour les oppositions. Et qui gagne. Ça, c'est le côté espérance. C'est ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit chaque fois qu'on se lance dans un conflit. Et Dieu sait s'il y en a. Et si quelquefois, il nous pousse au bord de la désespérance. Hein, je pense à Sainte-Soline, où on y reviendra peut-être, ou à la 69, on verra les différences qu'il y a pu y avoir. Le premier facteur qui permet de mobiliser les gens, c'est d'abord cet attachement inexplicable, hein, c'est le lien qu'on entretient à un milieu qu'on aime, d'habitants de riverains de la Loire qui prennent la mesure de ce qui va se passer, qui n'y connaissent rien, moi le premier, aux questions de grands barrages, aux questions de crues, aux questions, qui aiment ces lieux parce qu'on va s'y baigner, parce que la Loire est belle, parce que ça, il y a quelquefois des paysages qui nous émerveillent. Donc ça, il y a ça, et c'est absolument capital de faire vivre ça. Et ensuite, il y a un certain nombre de facteurs que je vais énumérer. L'importance de la mobilisation à travers la presse. La lutte n'aurait peut-être pas été gagnée s'il n'y avait pas eu un journaliste auquel j'aime toujours rendre hommage, qui s'appelle Jean Grimaud, qui était un amoureux fou, mais un passionné comme on les aime, ou quelquefois comme il nous casse les pieds, mais de la Loire sauvage, qui fait un article dans un journal de Haute-Loire qui s'appelle L'Éveil et qui dit « Requiem pour la Loire sauvage, la peine des amoureux de la Loire est immense ». Et ça, ça déclenche, c'est étonnant, hein. Mais vous avez la puissance de la parole ou la puissance de l'écrit, de la littérature. D'un coup, des gens lisent cet article et se disent « c'est pas possible, c'est pas possible de perdre ça ». Et le troisième point, c'est qu'il y a une petite mobilisation portée par une ou deux associations locales, la Fédération de protection de la nature, les Amis de la Terre, mais qui sont marqués par une culture de la défaite. On est quelques années après Crémalville. On est dans un pays dans lequel, quand l'État fait un choix, ben, en général, on le subit. Il n'y a pas eu de victoire écologiste. Il y a le Larzac, un peu avant, qui sert de président, qui nous a beaucoup inspiré. Mais c'est d'abord une victoire contre l'armée, d'antimilitariste contre l'armée, de paysans contre l'armée. Enfin, on peut développer. Et les quelques associations qui se lancent pensent que le combat est perdu d'avance. Et le quatrième ingrédient, c'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent « Mais non, c'est pas perdu. » Des jeunes, c'est renouvellement de gens qui n'ont pas été marqués par des défaites, dont moi, j'avais 25 ans à l'époque, et bien d'autres, Nathalie qui est là, qui disent « Non, mais il n'y a pas de raison qu'on s'engage dans un conflit. » On était totalement naïfs, inexpérimentés, dans un conflit qui est nécessaire parce qu'on ne comprend pas pourquoi on veut abîmer ces territoires qu'on aime si on n'a pas envie de gagner. Et ça, c'est fondamental, ce désir de gagner et donc de forger des outils. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. C'est que, évidemment, on fait les classiques. La première manifestation, bon, ça, tout le monde sait faire. C'est quand même très vite marqué par un côté non-violent, un côté joyeux, un côté festif. Mais de plus en plus de collectifs font ça maintenant pour désarmer un peu la peur, l'angoisse de s'affronter au pouvoir. Et ensuite, on dit, bah, y a pas de problème. On a les arguments qui montrent que ce projet de barrage, outre les destructions qu'il va induire, il ne nous paraît pas forcément, vu les connaissances scientifiques dont j'ai rapidement parlé, approprié par rapport aux enjeux de protection des fleuves d'aujourd'hui. Et donc, bah, on va bloquer le chantier, on va occuper le site, on va rentrer dans de la désobéissance civile. Et ça, c'est un pas très difficile à franchir pour les citoyens normaux que nous étions, mères de famille, étudiants, tout ça, mais qu'on a franchi. Et dans la foulée, nous nous sommes présentés aux élections sous l'étiquette verte au Puy-en-Velay. On a fait 20%. Pour ceux qui connaissent le Puy-en-Velay, ça a quand même été une sorte de sérieux coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est pas une ville très très très orientée vers, en tout cas à l'époque, vers les idées que nous défendions. Et elle comprenait pas, le Puy-en-Velay ne s'intéressait pas du tout à la Loire, à son hinterland, à son espace géographique. Après, on a fait venir un rassemblement européen, 15 000 personnes. Et là, le rapport de force a été créé, parce qu'il n'y a aucune lutte qui ne se gagne sans rapport de force. Et du rapport de force a découlé, après toute la libération de l'intelligence collective, pour fabriquer des alternatives. Alors, il y a deux aspects, effectivement. Donc, on imagine bien que localement, il y avait des pour, mais il y avait aussi des contre. Donc, il y a des moments de convivialité, il y a des moments un peu difficiles, quelques détails qu'il souligne. Et puis après, il y a le rapport avec l'État. Une fois qu'on a créé un rapport de force, ça monte jusqu'au plus haut niveau, donc, y compris avec des échanges avec les plus hauts niveaux au niveau de l'État. Ça monte jusqu'au Premier ministre. Donc, comment de la lutte locale, on gère après des échanges qui sont quand même à gros enjeux avec des gens qui sont le pouvoir. Alors oui, des gens pour le barrage, il y en a eu quelques-uns, et violents souvent. C'est assez caractéristique. On veut un ouvrage, parce que par exemple, et c'est absolument pas critiquable en soi, on pense que c'est un progrès ou on pense qu'on va sortir de sa condition de paysan pauvre, vendre ses terres, et comme ça, ben, on aura une retraite un peu... C'est normal, c'est humain. Il se trouve que face à la progressive montée en puissance, en force de SOS Terre Vivante, une partie de ces personnes ont quelquefois eu des réactions violentes, ont mis le feu à des maisons qu'on avait construites sur le site, ont tiré des coups de fusil, des choses comme ça. On vit avec. Hein. Quand on fait ce choix d'affronter la puissance publique, qui, c'est très important, il y avait Michel Rocard comme Premier ministre à l'époque, n'a jamais fait le choix qu'a fait Jean-Marc Ayrault sur Notre-Dame-des-Landes de l'opération César, on envoie 1200 CRS et puis on va voir qui est le plus fort, ou ce qui se passe maintenant, évidemment, avec cette invraisemblable violence déployée par l'État, par exemple, à Sainte-Soline. Donc là, on a un gouvernement attentif, des gouvernements successifs attentifs, et la violence locale est assez vite neutralisée. En tout cas, elle ne prend pas, parce que nous cultivons aussi les valeurs de non-violence. Nous travaillons ça, on pourra y revenir. Et le deuxième aspect de ta question, comment est-ce qu'on travaille ? Eh bien, comme dans toutes les luttes dans lesquelles on déploie un peu de stratégie, il y a les gentils et puis il y a les méchants, entre guillemets. Nous étions les méchants qui occupions le site de Serre de la Fare. Et puis, il y avait les gentils qui étaient les universitaires, Christine Jean, la coordinatrice de Loire Vivante, des chercheurs, des militants environnementalistes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec les options d'occupation de sites, de désobéissance civile que nous avions mis en place, et qui ont petit à petit construit un dialogue, je simplifie un peu, hein, parce qu'on a tous été là-dedans, pour montrer à l'État, et ça c'est fondamental, et ça c'est encore beaucoup trop peu mis en œuvre dans on va dire, le mouvement de conservation de la nature française. C'est du pragmatisme, c'est sortir d'une idéologie dans laquelle l'aménagement c'est bien ou l'aménagement c'est pas bien, pour affronter le problème. Et le problème que nous avions, c'était celui des inondations. C'est un problème très très sérieux. Quand la Loire tue, il faut bien trouver une forme de réponse. Et là, il y a eu un certain clivage dans les associations. Je faisais partie de ceux qui disaient « mais il faut trouver une réponse ». Pour gérer le risque d'inondation. Si on ne veut pas la construction du Grand Barrage, ça s'appelle du pragmatisme. Les Allemands sont très forts là-dedans, les ONG allemandes sont très fortes. Et nous, en France, on est encore un petit peu à la traîne. En tout cas, à l'époque, on l'était. Et puis, la rencontre avec les premiers ministres, le ministère de l'écologie, etc., montre qu'il a affaire à des gens responsables. J'insiste sur ce terme. C'est-à-dire des gens qui savent que, de toute façon, le gouvernement, il a un problème. Il doit politiquement gérer une situation dans laquelle il faut changer la culture du risque d'inondation. Et ça ne va pas se faire par décret. Ça va se faire petit à petit par un processus de dialogue, d'analyse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites avec des bureaux spécialisés, des labos qui ont fait des maquettes hydrauliques, etc., des chercheurs qui ont dit « oui, il y a sans doute une possibilité de gérer différemment le risque d'inondation ». Et on a travaillé là-dessus. Donc ces deux pôles, occuper un site, montrer qu'on est fort, montrer qu'on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, et en même temps, n'y voyez pas de... l'allusion. Et donc, en même temps, trouver un espace de dialogue avec l'État, les aménageurs, pour trouver la solution, c'est ça qui marche. Alors effectivement, et ça a été cité rapidement, mais c'est intéressant aussi pour d'autres luttes ou d'autres situations. Le poids des scientifiques, apparemment, il a été à la fois La parole a été dite, parce que souvent, ils disent, nous, on est des théoriciens, on a du mal. Donc, l'engagement des scientifiques a été important. Il a été écouté, il a contribué. Et puis, effectivement, pour mémoire quand même, il y avait eu des très grosses inondations avant. Donc, il y avait un moment émotionnel avec des morts à Brive-Charensac. Donc, quand on est élu local, on a quand même l'inquiétude de dire, est-ce qu'on va bien faire si on laisse la Loire faire comme c'était avant? Donc, ça, c'était quand même les éléments de contexte qu'il faut rappeler. Mais néanmoins, ça a avancé. Donc ça, c'est ce qui est intéressant de voir que les étapes se franchissent. Et puis finalement, il y a un moment où, après toutes ces étapes, on fait vite parce qu'on va venir aussi à la suite, il y a un moment où, alors que c'était d'utilité publique, toutes les déclarations, tout était signé, eh bien, machine arrière, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment? Il y a un revirement au plus haut niveau de l'État qui arrête le projet. Oui, ça, c'est vraiment de la... Ça peut paraître un peu inouï, un peu quand on regarde en arrière avec du recul, ce moment dans lequel le barrage est validé, les fonds sont là, le chantier peut commencer, la déclaration publique et l'instrument qui donne toutes les autorisations possibles, et l'État qui se retrouve face à ça et qui, petit à petit, voit se dessiner une forme d'alternative sur laquelle il va devoir travailler, et le basculement, qui se fait très, très progressivement. Il y a une annulation. Alors, évidemment, il y a eu un travail qui s'est fait sur le plan économique, montrer que le barrage il coûtait cher et il apportait pas tant de bénéfices que ça. Il y a eu un travail juridique, montrer que l'assise juridique pour la décision de le déclarer d'utilité publique, elle n'était pas solide. Il y a eu un travail, évidemment, d'ordre... travailler sur la biodiversité, un travail sur la manière dont on implique une population... boulot d'ordre sociologique qui était pas du tout pris en compte à l'époque parce qu'on était que sur un problème technique. On a fait venir l'école des hautes études en sciences sociales, on a fait venir des gens qui sont venus interroger les habitants de Brive-Charensac, interroger les habitants qui avaient vécu la crue et qui ont tous dit mais nous on n'est pas spécialement favorable au barrage. Nous on veut qu'on trouve une solution pour gérer le risque d'inondation, mais on aime la Loire et on sait que la Loire ça peut être une furie. Donc réfléchissons à ça. Et en fait, les sondages, le ministère de l'écologie fait des sondages et il s'aperçoit que la population est prête à évoluer. La population, elle ne demande pas un barrage. Elle demande juste à vivre dans un état de sécurité, d'adaptabilité à un risque majeur. C'est pas du tout la même histoire. Donc c'est plus un problème technique, c'est un problème de société, c'est un problème de culture, c'est un problème de capacité collective à réfléchir et à changer. Et donc le glissement se fait à partir de tous ces travaux. Et en 94, il n'y a plus objectivement d'autres difficultés que celle de signifier, et là je vais parler pour les plus anciens d'entre nous, ça vous dira quelque chose, de la grande figure tutélaire de l'aménagement de la Loire, Jean Royer, le maire de Tours, l'ancien ministre du Commerce, caricaturé dans Charlie, le père la pudeur, enfin un politicien, un homme politique, un grand homme politique, hein, mais qu'on qualifierait de pur réactionnaire, quelqu'un qui ne comprend pas le monde qui advient. Et c'est Jean Royer, qui était maire de Tours, qui avait créé le syndicat d'élus, qui voulait construire les barrages. Et c'est un sacré morceau, quoi. Politiquement, il faut le gérer, le bonhomme. Et donc, l'État doit s'affronter à ce syndicat d'élus, à Jean Royer. Et là, il y a toute l'habileté de ministres successifs, dont un auquel j'aime bien rendre hommage, qui est Michel Barnier, que tout le monde connaît parce que ça a été notre premier ministre éphémère il y a un an. Je crois que c'est l'époque dans laquelle il était renversé. Mais Michel Barnier, ça a été un excellent ministre de l'écologie qui a bien compris qu'il fallait arrêter les projets de barrage, qu'il fallait inventer autre chose, mais que politiquement, c'était bigrement risqué, cette affaire. Et il a eu le courage, cette vertu essentielle, de neutraliser, entre guillemets, hein, de dire à M. Jean Royer, écoutez, vous êtes un homme du passé, nous, on est l'avenir, et on ne va pas construire les barrages, donc il n'y a aucun des grands barrages qui ont été construits. On va même en enlever certains. Michel Barnier, dans le plan Loire Grandeur Nature dont on va parler, il a fait enlever deux petits barrages EDF, une dizaine de mètres de hauteur, ce qui était quand même culotté, hein, parce que EDF, à l'époque, c'était la toute-puissance de la toute-puissance. Et puis, il a fait en sorte que à Brive-Charensac, là où il y avait eu 8 morts, c'est ta question suivante, je pense. On change. Voilà, effectivement. Donc, c'était compliqué. À Brive-Charensac, il y avait eu des morts. Et cette association qui a réussi à ne pas faire faire le barrage ou à faire que le barrage n'existe pas, est quand même confrontée à la population qui dit « Mais la Loire, on l'aime, mais on en a peur quand même. Comment on va faire ?» Donc là, il y a un nouveau débat avec des aménageurs. Et ça, c'est un dialogue intéressant qui était incertain là aussi. Donc, confronté à ça, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui en est résulté, avec effectivement ce qu'on a vu encore il n'y a pas longtemps, parce que la Loire a été en crue il n'y a pas longtemps, il y a des comparatifs, mais il y a encore eu un autre combat, un combat d'aménageurs, alors que vous n'êtes pas aménageur comme association, mais vous êtes là pour porter une parole citoyenne et dire qu'est-ce qu'on peut ne pas faire qui soit dommageable. Et dire l'aménagement, ce n'est pas mauvais en soi. Tout dépend comment on le conduit et tout dépend quels sont les savoirs qui vont le nourrir. Et là, moi, alors en 5 ans, hein, je suis un ancien prof de gym, donc l'écologie, je n'y connaissais rien du tout. En 5 ans, je peux garantir que je m'étais formé. Et je fais partie du jury, je suis nommé par le ministère de l'écologie, qui décide, un jury avec 3 groupements d'entreprises, et des grosses, hein, le BCOM, la Sogrea à l'époque, qui est devenue, je ne sais plus, mais une énorme société qui construisait des barrages partout dans le monde, et puis une autre, la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, enfin des aménageurs, hein, ouais, qui proposent des solutions. Et moi, j'ai fait partie du jury en tant qu'activiste écologiste de base, pas du tout universitaire, pas ingénieur. Et je peux vous dire que j'ai dérouillé, quoi, hein, parce que pour les élus, pour les gens favorables au barrage, déjà avoir l'écologie gagner, c'était quelque chose de difficile pour eux, très très compliqué. Et voir ensuite que le ministère de l'écologie donnait la place à la société civile pour réfléchir à une alternative, ça c'était peut-être pas acceptable. En tout cas, le résultat de ces 3 jours de délibération, ça a été ce qui s'est mis en place à Brive-Charensac et qui est vraiment remarquable et qui pilote en France. Le premier choix, c'est on construit une culture du risque dans laquelle on améliore l'alerte, on améliore l'annonce, on améliore l'information des citoyens, on apprend que vivre au bord d'un fleuve, ça peut être dangereux et qu'il y a des moyens pour éviter, d'avoir des victimes humaines, avec une doctrine qui est il ne faut pas que l'eau monte de plus d'un mètre et qu'elle dévale à plus d'un mètre par seconde, parce que plus d'un mètre par seconde, on ne peut pas résister au courant. Voilà l'idée générale. Et la traduction particulière, c'est il faut que la Loire passe à Brive-Charensac. Au fil des décennies, Brive-Charensac, le lit du fleuve qui fait une centaine de mètres de largeur a été réduit à certains endroits à 60-70 mètres parce que les usines, les minoteries, c'est normal, se sont développées dans le lit du fleuve. Simplement, à chaque crue, elles sont dévastées. Et l'idée, ça a été de présenter par un des pétitionnaires de déménager ces usines, premièrement. Et deuxièmement, pour conserver un pont du XVIIIe siècle avec une valeur patrimoniale forte à laquelle les Brivadois étaient attachés, on creuse le lit du fleuve et on construit des petits seuils. On construit 3 petits barrages. Au lieu d'un grand de 70 mètres de hauteur, on en fait 3 petits de 4 ou 5 mètres. Ces barrages vont permettre de faire des plans d'eau et de donner une certaine majesté à la Loire dans sa traversée de la petite ville de Brive-Charensac, qui est une ville de 5 000 habitants. Donc un vrai travail de paysager, d'urbaniste pour accompagner l'ingénierie. Et ça marche. Ouais. Les usines sont déménagées. Et maintenant, il y en a une qui s'appelle Pétex-Sabarot, qui est une usine en plein, enfin une entreprise en plein développement, notamment avec le vegan, et qui est situé à un endroit qui est innoyable. Voilà. Alors effectivement, là aussi, vous étiez en tant que groupe citoyen ici, mais on sent aussi, et c'est dit dans le livre, que la population, elle veut garder un lien avec le fleuve. Elle ne veut pas qu'on lui cache avec des murs gigantesques son fleuve, parce qu'elle veut le voir passer, et elle refuse aussi, d'un point de vue habitant du secteur, un système qui, techniquement, aurait peut-être marché, qui aurait coûté une fortune, mais qui était encore ce qui était décrit au début, le canal, on fait aller tout droit et plus vite, c'était un des coûts phénoménaux, mais les gens disent on veut garder un rapport avec le fleuve, et ça, dans le bouquin, tu l'expliques bien en disant on veut quand même le voir, même si on en a un peu à certains moments, on veut qu'il soit moins dommageable quand il y a une crue qui ira sûrement encore, mais on veut garder un lien avec le fleuve, et l'aménagement qui a été fait ménage justement ce lien visuel, humain, avec ce fleuve qui est le quotidien des habitants de Brive-Charensac. Alors oui, une anecdote, parce qu'il faut toujours compter sur sur la chance et sur sa capacité de conviction. Le ministère de l'écologie était très favorable quand le jury se réunit. Évidemment, les ingénieurs du ministère qui va piloter la mise en œuvre de la solution alternative avait réfléchi, avait eu les enveloppes, les projets des trois entreprises avant nous, avant le jury, c'est normal. Et elles avaient une préférence pour le choix de la Socrea qui était de construire d'immenses digues dans la traversée de Brive-Charensac parce que c'était ce qui, selon eux, assurait le plus de protection par rapport à ce débit phénoménal de la Loire de 2000 m3 en cas de grande crue. Et nous étions deux dans le jury, il y avait une quinzaine de personnes. Quand on a compris ça, enfin, deux parmi les 15 membres du jury à être effarés par ce choix qui était le choix préférentiel, le ministère l'avait dit. Nous pensons que c'est le bon choix. Et la chance a voulu que... c'est une anecdote, mais c'est toujours savoureux, les anecdotes. Les élus locaux étaient tellement en colère de voir que le processus se déroulait et que finalement on ne construirait pas le grand barrage. Parce que les élus locaux, et on ne peut pas le leur reprocher, pourquoi ils voulaient le grand barrage à Brive-Charensac ? Parce que le grand barrage allait permettre de mettre sous le tapis le fait qu'ils avaient laissé construire avec l'autorisation de l'État. Hein. Moi, je n'aime pas du tout faire porter la responsabilité sur les élus tout le temps, mais avaient laissé construire partout en zone inondable. Puis ils voulaient continuer. Ils voulaient en faire d'autres. Ils voulaient installer des hôtels dans des zones où il pouvait y avoir 3 mètres d'eau. Ça ne les gênait pas. Et le barrage constituer cette fausse sécurité, ils se rendaient compte qu'ils perdaient. Là, il y avait le ministère qui était là, chez eux, à la mairie de Brive-Charensac. Et ils provoquent une crise, suspension de séance. Et là, les deux personnes très inquiètes par cette idée de l'endiguement, on va voir le directeur de l'eau, un personnage très important, l'ingénieur des ponts du ministère de l'écologie. On lui dit, monsieur Mouzel, il s'appelait, on peut pas faire ça. On s'est pas battu contre un grand barrage pour avoir des grandes digues. Et il nous a fait confiance, c'est quand même prodigieux. Il est arrivé en début de séance, il a dit, écoutez, nous, on était favorables aux digues, maintenant, on pense que c'est l'autre solution qui est la meilleure. C'est celle qui s'est mise en place, et en octobre, hein, le 17 octobre dernier, il y a la très grande crue, il y a 1500 m3 qui passent à Brive-Charensac, aucune victime, et à peu près 3-4 millions, enfin, entre 2 et 4 millions d'euros de dommages. La crue de 1980 avait fait au moins 100 millions d'euros de l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, ça serait, je ne sais pas combien, toi qui es gestionnaire, tu pourrais traduire. La crue ne fait pas de dégâts, elle abîme juste des parkings, un boulodrome, un pont. Il y a des dommages, mais il y a très peu de maisons qui sont touchées, quelques-unes, mais qui sont encore en zone inondable. Et c'est un succès. Et j'aime bien comparer à Rive de Gier. Rive de Gier, on va être entre 50 et 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement artificialisé le lit de la rivière et tellement tardé à découvrir le gier, parce qu'on sait que c'est la réponse. Depuis la crue de 2003, on sait qu'il va falloir enlever la dalle sur le gier, que c'est extrêmement coûteux, compliqué, difficile, que ce sont des processus qui vont prendre 20 ans, donc on est au-delà des mandats électoraux. Mais il faut le faire, parce que les crues du type de celles qu'on a eues en 2024, en 2008, 2003 sur le gier, il va y en avoir d'autres. Et d'autant plus que... on est rentré dans une période d'instabilité climatique que seul M. Trump conteste, hein, et puis quelques personnes de son degré d'ignorance. Mais donc il faut arriver à construire ce changement. Et là, nous avons une démonstration du fait que ce qu'a fait Loire Vivante pour construire une autre culture, ça marche. Et c'est très inspirant pour, je crois... le fait que quand les citoyens participent à l'élaboration des politiques publiques, c'est pas juste pour freiner, c'est pour améliorer. Voilà, merci. Donc on s'était donné un petit temps de présentation, on en arrive au bout. Donc merci pour cet ouvrage qui est positif, c'est important en ce moment d'avoir du positif. La joie. Ça a été une lutte joyeuse aussi. Voilà, pour les cadeaux de Noël, donc n'hésitez pas à mettre au pied du barrage sur la liste, ça fera du bien. Maintenant, le temps des questions. Donc, on a fait un rapide survol de ce que vous trouvez dans le bouquin, plus détaillé, effectivement. Mais avec donc Martin, le temps d'échange est disponible. Donc, si vous avez des questions à poser, eh bien, allez-y, c'est à votre tour. On va faire ou passer le micro ou répéter les questions, suivant les cas. Mais dans tout cas, comme c'est enregistré, il faut à la fois parler dans le micro et puis attendre votre tour si vous voulez un micro. La première question, elle est là. J'ai envie de dire, vous avez eu beaucoup de chance d'avoir des élus, un ministre de l'écologie qui était ouvert. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le seul moyen, c'est le recours au tribunal administratif, qui peut, dans certains cas, tempérer, voire mettre le holà. Je prendrai l'exemple de la retenue qui était prévue à la Clusaz au niveau de la tourbière. C'est grâce à la mobilisation des associations. On a fait des dons. Nous, on a fait des dons pour pouvoir payer les 10 000 euros de frais d'avocat. Les dons étaient d'ailleurs déductibles à 66% des impôts. Mais on est dans un autre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on a affaire aux forces de l'ordre qui s'opposent vertement et au processus administratif du préfet qui ne laisse pas la place à l'échange et à la discussion et à la recherche d'une autre solution. Je peux qu'acquiescer. On a en partie changé de monde. Hein. Là, vous faites référence, c'est vrai que j'aurais pu les mentionner, hein, dans la construction de l'argumentaire, l'association FNE a joué un rôle très très important. Et cette association fait un travail vraiment fondamental en termes juridiques sur différents dossiers. Vous citez la Clusaz, oui, c'était pour des canons à neige. Hein, mais sinon, vous prenez Sainte-Soline ou d'autres, la 69 et d'autres, là, ils font un très très bon travail. Ce qui manque, de mon point de vue, c'est, et je vais revenir sur la violence, c'est maintenant une capacité de ces grandes ONG, FNE, le WWF, la LPO, c'est le monde pour lequel je travaille, c'est le monde dans lequel je travaille. Donc je le connais bien, je connais ses forces, je connais ses faiblesses, et il est important de savoir que les associations de protection de la nature en France, par rapport aux associations de protection de la nature en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Hollande, sont très très faibles. J'aime souvent dire, le WWF France, j'ai travaillé pendant 15 ans au WWF France, est considéré comme une grande ONG. Elle doit avoir aujourd'hui, elle est en croissance, je pense, entre 150 000 et 200 000 adhérents. En Suisse, c'est pas un pays immense, la Suisse. Il y a 250 000 à 300 000 adhérents. En Hollande, il y a 1 million d'adhérents. C'est pas la même chose. Quand on représente une force citoyenne à travers des adhésions, et vous avez raison de dire que c'est défiscalisé, d'un million de personnes, ça n'est pas du tout, on le voit sur les pétitions, ça n'est pas du tout la même chose qu'une association que des associations qui sont encore à la marge dans la définition des politiques publiques. Ça, c'est un problème français et un problème lié à la manière dont on détermine l'intérêt général. Nous sommes très en retard dans la qualité de la délibération. C'est caricatural sur les questions de gestion de l'eau. Moi, je suis au Comité national de l'eau, une enceinte dans laquelle on débat et on ne peut que constater que la manière dont on élabore les choix pour construire ou pas des retenues, collinaires ou pas, bassines, méga-bassines, elle est insuffisante, elle est indigne des savoirs qu'on a accumulés sur le fait que maintenant il va falloir gérer l'eau différemment et sur le fait que fabriquer du choix public, ça suppose d'associer la société civile, qui a quand même un paquet d'experts, de gens compétents pour pondérer un peu des pures visions d'ingénieurs. Mais ceci étant dit, effectivement, à notre époque, nous avons, même s'il y a eu des problèmes de violence que j'ai brièvement évoqués, nous avions en face de nous un gouvernement, des gouvernements successifs, avec des ministres de l'écologie très faibles, beaucoup plus faibles en termes de moyens, en termes de nombre de salariés, de direction, etc., que les ministères de l'écologie depuis une quinzaine d'années, en gros depuis le Grenelle. Mais avec des ministres de l'écologie, j'essaye de ne pas être caricatural, mais qui avaient une voix assez forte au chapitre dans la médiatisation des enjeux de conflictuels, parce qu'il y avait une poussée à laquelle le politique devait répondre. Et le ministre de l'écologie était un bon porte-parole. Michel Barnier en a été le reflet des nécessités d'évolution. Maintenant, on n'est plus du tout dans la même situation. L'écologie, entre guillemets, elle a gagné. C'est-à-dire qu'elle est dans les consciences. Tout le monde sait que les pesticides, ce n'est pas bon pour la santé, que le dérèglement climatique, que les transports, etc. Là, on peut dire que cette question que nous, nous avions à résoudre dans les années 1980-90, l'écologie, c'est pas un truc d'écologiste, c'est un truc sociétal qui doit concerner tout le monde et il faut partager de la connaissance, elle est arrivée. Je crois que la conscience, vous vous interrogez un Français, maintenant, la plupart des gens savent qu'on a un problème. Et donc, on est en confrontation maintenant frontale avec des lobbies, avec des intérêts, avec une certaine culture d'État, avec une manière de fabriquer de l'intérêt général dont certains ne veulent pas sortir. Et la réponse face à cette difficulté de l'État à évoluer, parce que ce n'est pas dans son ADN, on a quand même un État, enfin vous le connaissez sans doute, hein, jacobin, centralisateur, un peu arrogant quelquefois, avec d'excellents fonctionnaires, c'est pas la question. Mais des processus de mise en œuvre de ce qu'on appelle la transition écologique qui sont complètement insuffisants. Parce qu'on ne sait pas débattre. Et quand je parle de l'État, on peut aussi parler des élites républicaines, on peut aussi parler des élus, hein, qui sont, dans notre pays, quel que soit le respect évidemment fondamental qu'on doit avoir pour nos élus, sont souvent insuffisamment formés et insuffisamment au courant du fait que, pour faire des choix à l'échelle de quelque territoire que ce soit, il faut y associer les citoyens, il faut y associer les gens qui habitent là. Et ça, on ne sait pas faire, on est en train d'apprendre. Donc une des réponses, c'est la violence, c'est la calomnie, c'est les écologistes sont des éco-terroristes. C'est absolument invraisemblable. Et c'est inadmissible, et c'est dangereux, bien sûr. Mais comment y répondre? Je crois que la réponse est celle qu'essayent de donner tous ceux qui luttent dans les soulèvements de la Terre, à différents niveaux, dans les tribunes, dans les universités, les scientifiques qui se rassemblent pour alerter, c'est n'absolument pas baisser les bras, surtout pas avoir peur, et continuer à affronter, mais alors pour moi, d'une manière non violente, ça c'est fondamental, il y a d'autres approches, à affronter les puissances qui aménagent en dépit du bon sens. Oui, vous citiez France Nature Environnement tout à l'heure. France Nature Environnement Haute-Savoie s'est fait sucrer toutes ses aides par le département et par la région. J'avais juste une question / affirmation. La différence entre 1994 et aujourd'hui, notamment à Sainte-Soline, et la violence d'État qui s'y déroule, et à la 69 aussi, c'est que derrière, il y a des enjeux financiers, économiques. Derrière, il y a les grandes industries agroalimentaires, il y a le grand capital. Ce que j'ai l'impression, il n'y avait pas à Brive-Charensac. C'est très cynique ce que je vais dire, mais à Brive-Charensac, avec des humains et les coûts monumentaux, sans parler du coût humain, les coûts monétaires des crues, c'est la puissance publique qui allait payer. Et à la fin, c'est nous qui payons, c'est pas grave. Et là, à Sainte-Soline, c'est des grandes industries, c'est des grandes agro-industries. Et à la 69, c'est accélérer les flux, et permettre la pérennité du capitalisme. Et c'est pour ça, à mon avis, que la violence, elle est mille fois supérieure à ce que vous avez pu vivre à votre époque, entre guillemets. Alors, je vais répondre et nuancer. Je suis intervenu principalement sur cette question de risque d'inondation parce que dans une demi-heure, c'est un peu difficile d'aborder ce sujet. Mais derrière la construction des ouvrages, vous avez aussi le stockage de l'eau pour un modèle agricole qui est le modèle que, je pense, la plupart des gens présents ici, dans cette salle, ne trouvent pas durable. Hein, maïs-soja, pour simplifier, hein, grande céréaliculture, élevage hors sol. Donc les barrages sont faits notamment d'eux, Serre de la Fare et Chambonchard, sur le Cher, pour ça, pour mettre potentiellement... Ça n'est pas verbalisé, formalisé directement par les aménageurs. Mais nous avons eu l'opposition frontale de la FNSEA sur le fait que, déjà, stocker de l'eau pour développer l'irrigation, on est en 89, 90, 91, l'irrigation, les surfaces sont en train d'augmenter, mais on n'a pas idée des dégâts que ça fait sur les fleuves, sur les sols, avec évidemment... En complément de l'irrigation, tous les produits, tous les pesticides, les engrais qu'on met pour favoriser ces cultures de rente telles que le maïs. Donc ça, c'est là, c'est présent. Et puis derrière, vous avez un élément qui est quand même, alors j'ai pas insisté là-dessus, qui est le bâtiment de travaux publics. C'est pas juste une petite affaire. Hein. Vous avez l'entreprise Bouygues qui vient de construire le pont de l'île de Ré à l'époque. illégal, mais qu'il a construit, et on ne l'enlève pas, parce que en France, c'est un adage, on ne démolit pas un ouvrage qui a été construit par la puissance publique, quelle qu'elle soit, territoriale ou d'État. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et l'industrie des travaux publics est très puissante. Et en Haute-Loire, les BTP n'étaient pas très, très contents à l'idée que, quand la droite est revenue au pouvoir, on n'ait pas lancé le chantier qui aurait permis d'alimenter sur du court terme leurs entreprises. Et puis, on a derrière toute une culture de l'aménagement. Alors, c'est pas le capitalisme privé, mais c'est une forme de défense par l'État. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça un capitalisme public, mais de défense d'un modèle de développement qui est l'ADN, qui est la structure même de l'État français depuis plusieurs siècles. C'est passionnant de voir à quel point notre État, et on en a une illustration avec le programme nucléaire, qui est quand même une réalisation absolument phénoménale, extraordinaire du point de vue de l'ingénierie, du point de vue de la production d'électricité, rien à dire. Mais si on regarde ce que ça a coûté en termes de réflexion sur le développement des renouvelables, sur une culture de l'énergie, etc., on peut se dire pourquoi la puissance d'État ne laisse pas plus de liberté à une réflexion qui tempère des intérêts économiques qui ne sont peut-être pas directement capitalistes au sens privé du terme, comme vous le dites, mais qui sont des intérêts de maintien d'un système économique qui nous... qui, pour de plus en plus de gens, prépare, augure mal de l'avenir. Et tout ça, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'heure vivante, c'est qu'on a bâti un compromis. Un compromis avec ces mêmes ingénieurs qui voulaient faire les grammaires. Et pour beaucoup d'entre eux, cette capacité à faire du compromis, finalement, à utiliser leur savoir pour faire autre chose. Et y a les jeunes générations qui arrivent et les ingénieurs d'État qui sont formés dans les grandes écoles aujourd'hui, ils ont tous compris que... on a parlé des bifurqueurs, qu'il y a un problème. Et nous, notre force et notre capacité, mais c'est très fragile, c'est d'essayer d'accompagner ce changement-là, non pas dans une lutte anticapitalistique ou marquée par ces catégories de pensée qui sont tout à fait légitimes, mais juste pour dire, si on veut changer, si on veut fabriquer du changement, on a besoin de mobiliser l'État, on a besoin de mobiliser les entreprises, on a besoin de mobiliser les élus, on a besoin de mobiliser les universités. Et ça, c'est très, très, très, très, très difficile. Et sur la question du risque d'inondation, on y arrive un petit peu. Donc c'est pour ça que ça donne de l'espoir. Et sur la violence, elle est inadmissible. Moi, j'ai des amis qui étaient à Sainte-Soline et qui m'ont dit « Mais Martin, c'était hallucinant. » Des familles qui venaient pacifiquement juste dire qu'elles étaient contre Sainte-Soline avec de bons arguments et qui se sont fait mais violenter à un degré invraisemblable. Et là, on voit ce qui sort avec Mediapart il y a 15 jours. La responsabilité du gouvernement, elle est totale. Attention, comme sur Sivens, j'étais à Sivens quand Rémi Fraisse est mort, la responsabilité de M. Valls, on peut aller jusqu'au président de la République si on veut, de Mme Ségolène Royal, qui était ministre de l'écologie, la responsabilité du gouvernement dans les affrontements à Sivens, elle est écrasante. Attention, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas un tropisme gauche-droite simplificateur. Il y a juste une préoccupation par rapport à un recours plus facile de la violence d'État pour imposer des projets éminemment contestables. Bonjour. Le fait de ne pas avoir fait, c'est de la serre de l'affaire. Du point de vue inondation, c'est bien. Par contre, maintenant, avec l'évolution climatique, les étés sont de plus en plus secs. La Loire, elle se réduit de façon singulière. Et les centrales nucléaires qui sont plus bas, pour les refroidir l'été, ça risque d'être un peu problématique. Vous n'avez pas peur que, s'il y a de la phare, on en reparle pour les soutiens d'étiage? Du moins pour amener de l'eau l'été. Alors, sur cet aspect-là, donc, je suis un peu au courant de certaines données. Le barrage de Villeray va dans ce sens-là. Le barrage de Villeray, il a un écoulement garanti de 8 mètres cubes seconde. C'est lui la sauvegarde des centrales nucléaires. Et quand la préfète de bassin dit vous arrêtez de pomper ou vous arrêtez d'irriguer à un endroit, c'est pour maintenir ce refroidissement. Donc effectivement, Serre Lafare, on aurait pu imaginer que ce soit un stockage, mais il faut voir aussi ce qui s'est passé, parce que transposant, Grandjean, entre guillemets, qu'on est tous contents d'avoir, tant pour l'irrigation que pour la production électrique, il a dégradé énormément toute la vallée qui a été engloutie. Et il y a, pour les générations futures, une masse énorme de cochonneries qui sont dans le fond du barrage. Donc si on avait fait ça, alors c'était pas une vallée industrielle à Serre-Lafare, mais on aurait aussi envasé toute une région. Donc il y aurait eu une destruction certaine pour un soutien d'étiage qui aurait été additionnel par rapport à ce qui était fait à Villeray, qui est un barrage bien plus grand que Grandjean. Donc voilà, le soutien d'étiage, il a été prévu pour ça, avec Nossac. Nossac et Villeray, c'est le complexe de soutien d'étiage du complexe Loire-Allier pour les centrales nucléaires que nous avons construites dans la vallée de la Loire. Voilà ces éléments-là. Les Serres de la Fare n'auraient pas été pensées comme ça. C'était plus, je pense, plus un écréteur de crue ou un soutien d'étiage, avec le problème des écréteurs de crue, qui est qu'il faut qu'ils soient vides tout le temps. Donc s'il est vide, en termes de paysage et puis de montée rapide, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à avoir. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir, comme l'a dit Martin, le plus vieux des écréteurs de crue qui est à Gouffre d'Enfer, qui fonctionne, parce que quand même, historiquement, dans les crues de Saint-Étienne très anciennes, il y a eu, si je ne me trompe pas de date, 1592, plus de 121 morts. Donc, quand le furan déboulait, c'était des morts en grande quantité. Donc, le côté soutien d'étiage, il est prévu par Nossac et Villeray, qui sont les deux barrages répondant à votre préoccupation. Non. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourront répondre, mais Nossac était à 30% de sa capacité en 2022. Parce que la question que vous posez, elle est d'une complexité ahurissant. C'est les choix qui nous engagent pour des décennies sur la gestion de l'eau autour de ce qui est déjà là, les centrales nucléaires ou un modèle agricole, et puis ce qui pourrait arriver d'autres centrales nucléaires, d'autres EPR et la poursuite d'un modèle agricole, nous avons intérêt collectivement à réfléchir en ayant recours à la pensée complexe, quoi, parce que c'est... Vous voyez l'Iran en ce moment, l'Iran qui a construit des dizaines et des dizaines de grands barrages, il n'y a plus d'eau, les autorités se disent qu'il va peut-être falloir évacuer la capitale, Téhéran. Mais c'est ce qu'on est en train de découvrir avec le dérèglement climatique, c'est que les barrages, ça ne crée pas l'eau. Et si l'hydrologie baisse et toutes les études qui ont été faites par des labos, par le ministère de l'écologie, sur Explore 2050, 2070, montrent que l'hydrologie va baisser sur le Rhône, sur la Loire. Donc il y a de quoi être très préoccupé, et donc d'autant plus raisonner ensemble à partir de données qui sont là sur l'évolution du modèle. Oui, effectivement, sur le même sujet, les données sont publiques, elles sont partagées. Effectivement, si on parle de Grandjean, par exemple, à un moment l'été dernier, alors qu'il n'était pas exceptionnellement sec, c'était pas comme celui de 2022, l'eau qui rentrait à Grandjean était à peine équivalente à l'eau qui sortait. Ça veut dire que l'évaporation entre-temps était tellement importante qu'on perdait presque de l'eau dans le barrage de Grandjean, alors qu'il est fait pour retenir l'eau. Ça montre la complexité. Et si ça continue, donc là, c'est vraiment changer de modèle. Quand on parle du stockage de l'eau, pour moi, le mot stockage n'est pas un gros mot. Si on imagine le stockage dans les sols, c'est une agriculture qui ne doit pas faire des sols durs qui ne laissent pas rentrer l'eau. Le stockage, il est très important, très possible, mais dans les sols, ça veut dire un autre modèle agricole, ça veut dire une autre approche des forêts pour qu'on laisse l'eau dans le sol le plus longtemps possible, parce que les barrages, ce n'est pas non plus la solution compte tenu des très hauts niveaux de température qu'on risque d'avoir dans les 5 ou 10 ans à venir. Moi, je voulais revenir sur la lutte, l'occupation. Il y a un moment, vous avez parlé de différence d'avis sur la population liée à la construction de ce barrage, et qu'il y avait pu avoir des violences et qui avait été neutralisée. Je voulais savoir comment ça s'était passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a un enjeu assez fort sur unifier un peu les gens d'un même territoire, et que des fois il peut y avoir un jeu justement à jouer le jeu de la fracture, parce que ça aide aussi des fois à faire passer des grands chantiers comme ça, et que j'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, sur comment discuter avec des gens sur le territoire qui sont concernés et qui ne sont pas forcément du même avis et qui peuvent être légitimes. Enfin bref. Oui, bien sûr. Merci. Ouais. C'est ben là aussi comment déjà comment on vit ensemble au quotidien avec nos voisins, etc. C'est une question qui montre que nous pouvons. Alors c'est souvent en travaillant sur nous-mêmes, hein, nous pouvons améliorer la relation. Mais là, quand il y a une pression comme celle-là, c'est décuplé. Et les tensions ont été quelquefois très très très vives sur la stratégie, sur cette place de la violence, sur la place, par exemple, des grandes organisations entre guillemets riches dans un ensemble où des petites organisations entre guillemets pauvres faisaient le travail d'occupation du site. Comment on fait face à tout ça ? Comment nous avons fait face ? D'abord par je donnerai trois éléments, une capacité à dialoguer et à accueillir. Ça peut paraître idéaliste, ça l'est pas, parce qu'en fait c'est un énorme travail, accueillir les différences dans un climat de liberté d'échange qui fait que, et ça c'est fort dans cette lutte. On a eu des gens depuis les situationnistes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Xavier Debord, c'était pas facile, jusqu'à la Ligue communiste révolutionnaire, et on termine par l'extrême droite. On a eu ça comme représentation, des royalistes, des gens totalement politiques, des athées, comme représentation d'une société bien vivante, avec des opinions différentes, mais que quand elles se retrouvent ensemble, en dehors du point de l'objectif commun qui est d'empêcher la construction du barrage, sont prêtes à s'écharper très très vite. Donc la capacité à dialoguer jusqu'à un certain point, parce que quelquefois, ça n'est tout simplement pas possible, on ne peut pas discuter avec des personnes. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de, entre guillemets, neutralisation ou éjection, mais au sens le plus délicat du terme. Il y a un moment où la force du groupe, quand le dialogue n'est plus possible, quand des gens veulent imposer la violence, quand des gens contestent en permanence l'organisation, fait que c'est le groupe lui-même, c'est pas des gens. Et ça, cette démocratie directe, alors qui souvent débouche sur la pagaille, entre guillemets, ou sur une absence de leadership, et n'importe quelle lutte, à un moment ou à un autre, n'importe quelle société a besoin de leadership sous une forme ou sous une autre, nous, ça a débouché sur le fait que le groupe, et pas les chefs, entre guillemets, ont demandé à des gens de partir, de quitter le dispositif, parce qu'ils étaient tout simplement insupportables, à sans arrêt, soit idéologisés, soit critiqués, remettre en cause les choix collectifs qui étaient faits. Donc ça, c'est un peu amateur. Et puis après, on a fait venir un peu des gens spécialistes de la non-violence, des gens du Larzac, du CUN, qui nous ont appris un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la communication non-violente, enfin créer des enceintes dans lesquelles on puisse discuter, échanger. Mais on a travaillé ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est, je crois, un des éléments qui font qu'on a été assez vite bien ensemble. Et ça, tous les gens qui ont été dans des luttes, gagnées ou perdues, le disent. Alors gagnées, ils le disent plus facilement. Le fait de se regrouper entre inconnus, moi, je suis assez influencé par la culture américaine, ce qu'elle a de meilleur, hein, pas celle d'aujourd'hui, de ce dingue de Donald Trump, mais celle de l'Amérique de pionniers, alors pas ceux qui massacraient les Indiens, mais ceux qui essayaient d'inventer un nouveau monde, les pères fondateurs, en créant un esprit communautaire contre les abus de l'État, puisque c'est ça à l'origine, hein, l'Amérique. Ils sont capables de se réunir en venant de différentes de pays, religions, et de se battre pour un enjeu essentiel qui est la défense de leur community, leur communauté. Ce n'est pas du tout du communautarisme, c'est notre groupe. On a intérêt à protéger notre rivière, notre forêt, si on parle d'enjeux écologiques ou notre mode de vie, si on parle d'enjeux sociétaux. Le fait de travailler ça en permanence et de dire qu'on est en capacité de surmonter les divergences fait qu'il y a eu beaucoup de joie dans cette lutte, justement, à s'enrichir des opinions mais complètement différentes, voire extravagantes des uns et des autres, le tout mis sous une bannière quand même de l'efficacité. Il s'agissait de gagner. Donc les débats, ça va un moment, mais il y, y a un autre moment où il faut faire des choix, assumer. Et le bien vivre ensemble, c'est passé par beaucoup de fêtes, beaucoup de manifestations joyeuses, on a organisé des concerts sur le site. Être ensemble, parce que c'est souvent angoissant de se battre quand on est tout petit contre des gens très puissants, que la violence potentielle est là. Cet esprit festif. Mais ça, je trouve que c'est de plus en plus. Je suis deux ou trois luttes en ce moment. C'est vraiment là, au cœur de nos pratiques citoyennes. On célèbre ne serait-ce que le fait de résister. Mais c'est du boulot au quotidien. C'est l'appel à la résistance au 23 novembre 2025. Voilà. Donc merci Martin, s'il n'y a plus de questions. On va remercier Martin. Je vous invite vraiment à lire le livre, l'acheter aussi, bien sûr. Et puis, vous mobiliser dans la joie aussi, puisque c'est aussi un des éléments qui fait que ça peut avancer. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.